La conférence de la Croix-Rouge de la République populaire démocratique de Corée a eu lieu les 18 et 19 courants au Palais de la culture du peuple Pyongyang. Dans cette conférence, on a dressé le bilan de l'état de l'exécution de l'objectif stratégique et des plans annuels des activités jusqu'en 2016 depuis la conférence de 2012. Et on a discuté les problèmes pour développer les activités humanitaires de la société de la Croix-Rouge. Y ont pris part Yang Xiong-sop, vice-président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, les membres du comité central de la Société de la Croix-Rouge, les cadres de la Croix-Rouge au niveau central et provincial, les hommes et les jeunes membres bénévoles de la Croix-Rouge. Y ont été invités les délégués du comité international de la Croix-Rouge, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et des sociétés de la Croix-Rouge danoise, finlandaise et britannique, les représentants diplomatiques de différents pays et des institutions internationales à Pyongyang, et les membres des délégations du comité international de la Croix-Rouge et de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Corée. On y a dressé le bilan de l'état de l'exécution du budget de la Société de la Croix-Rouge de la République populaire démocratique de Corée pendant la période considérée et a révisé les statuts. Par ailleurs, on a également discuté le plan stratégique et le budget jusqu'en 2020 et élu les membres de la direction nouvelle de la société.